C'est, on est le 3 août 2022. Il fait chaud, il fait 35 degrés. Tu peux prendre tes micros là, parce que comme ça on t'écoute, il n'y a pas que moi qui parle en ce moment, parce qu'on n'est pas nombreux. 452. C'est quoi 452? C'est nous sommes deux, Martin Bracro. Ouais. Non, mais en plus ici, chaque personne a son propre nom. Oui, c'est moi. Son propre nom à la radio. Moi, c'est la maman de Mélina. Voilà, maman de Mélina. Elle a grandi un an, trois mois bientôt. Mais après, je demande qui peut te monter ou pas. Il me dit ça, non. Je dis, mais je ne connais pas ces gens-là, ces autres gens. C'est pas les mêmes. Je ne sais plus, là, je n'ai pas suivi. Mais non, mais il y a quelqu'un qui veut fuguer à Toulouse. Mais personne ne veut aller à Toulouse. En plus, son... Là, je veux fuguer à Poissy, monsieur. Bon, je ne vais même pas fuguer. Non, c'est Florent. Oui, mais tu vas pas. Je suis passé dans 78. D'accord, mais pas aujourd'hui parce que sinon je me fais engueuler, d'accord ? Non, j'ai pas ma carte d'identité, elle est dans le bureau. J'ai besoin de ma carte d'identité pour sortir. Moi, j'ai pas de carte d'identité, tiens. T'as pas gardé le fait ? Martin, vous avez un joli micro orange. Oui. C'est nouveau ? Oui. C'est cool. En fait, c'est pour protéger le truc, après on les nettoie. Oui. Voilà. Bonjour, Lanza. Ça bonjour. Va ou quoi? Ouais, Micha, tu peux nous dire bonjour? Bonjour. Un peu plus fort pour t'entendre. Bonjour. Voilà. Encore? Hein? Bonjour. Voilà. Le micro n'est pas connecté, Martin, c'est le mien que vous connectez là. Vous augmentez le son. D'habitude, vous coupez au micro, mais là, je sais pas ce que vous allez. Quel micro? Quel numéro a sur le micro? Numéro 3. Allez-y. Je mets au fond. Bonjour. Ouais, c'est mieux, mais moi je suis. Hein. Ça, on m'entend. Franchement, je m'entends moi aussi. Oui, parce que toi tu es plus d'expérience. Ouais, bah, j'entends ma propre voix dans le micro qui sonne dans mes oreilles. Mais oui, voilà. Ah, tiens, là c'est une belle femme que tu as dessinée. Farouk, notre dessinateur. Farouk qui est toujours, oui. Mon chéri. Ouais. C'est il a plein de talents cachés. J'essaye à chaque fois de décrire. Je ne vous dirai pas, fait. Mais. Farouk à la radio, et en général, on n'a pas beaucoup de je sais pas, c'est difficile d'expliquer un dessin à la radio. Est-ce que tu peux le dire, maman de Mélissa? Il dessine une jolie femme avec de beaux cheveux. Oui, quoi d'autre? Un stylo bleu. Et quoi d'autre? Et la femme, elle regarde avec ses joues. Oui. Et elle est un peu grosse. Ah. Je plaisante. Elle est arrondie. Ouais. Elle a des joues comme ça, comme moi. Je fais à peu près 70 kilos. C'est trop. Martin Bacro, s'il vous plaît, coupez le micro. Ouais, non, elle est. Attendez, le mien. Votre nom, je sais que ça veut dire soleil. C'est ça, hein? C'est ça. Ah. Et ça vient d'où votre prénom? Algérien. Mais vous, tu dessines moi? Et j'arrive pas à l'écrire, par contre. Attention. Oui. Martin, pourquoi ton micro il fait du bruit? En fait, parce que ça fait du bruit quand ça couple avec la signal de l'haut-parleur. Il est où le haut-parleur? C'est là. Donc, c'est peut-être ce micro-là qu'il faut mettre comme ça. Donc, Farouk, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu dessines? Je fais tes cheveux, là. Des cheveux. Il a dit je fais tes cheveux, des cheveux. Il est où le médecin, Mustapha? Il est en bas? Tu l'avais en bas? Ouais, il l'a appelé par téléphone. Ah, tu l'as appelé par téléphone? Ouais. C'est lui qui t'a appelé? Celui qui m'a dit, Florent peut pas parce qu'il a fugué, je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai mis du fugue. Non, mais pourquoi tu as fugué? C'était hier soir. Ouais. Hier soir. Personne n'a fugué nulle part, nous sommes tous ici enfermés en psychiatrie dans le 93 à Bondy. Une autorisation, comme ça tu peux travailler. Dédicace à tous les fous. Là, il va me faire une permission, monsieur. Bon, je vais te faire descendre comme ça, tu vas aller descendre. Comme ça, ils vont te dire, voilà, je vais dire que tu es bien. Vous inquiétez pas. Bah, du coup, vous avez coupé le micro, Martin? Vas-y, continue, parce que c'est pas grave, moi je suis là. En direct. Dédicace à tous les fous de 9-3. Alors, il fallait que tu disais que tu dessines mes cheveux? Non, je dessine des cheveux. On n'entend rien. Hein. Pourquoi tu me donnes le micro? C'est dans le micro pour qu'on entende la voix. Oui, mais c'est l'autre. Prends l'autre. Quel autre? C'est là? Ouais. Allô? Non. Ça si, on entend. T'entends où? J'entends. Je suis pas sourde. Elle, désolé, c'est comme le cul, ça sert tous les jours. Hein. Mais c'est ton micro qui fonctionne. Mais c'est les deux micros qui fonctionnent. Tu es satisfaite ? Non, tranquille. Non. Bon, tu dessines des cheveux. Hey, j'ai fait un truc avec le micro. Mmh. Bon, il marche. C'est sûr qu'il marche. Ouais, t'as dessiné mes cheveux ? Non, j'ai dessiné des cheveux. Des... En tout cas, les cheveux, ils sont bien. Ah bon, je trouve. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y en a pas à long. Il n'y en a pas à long ? Long. Ah, long. Longs cheveux. C'est des cheveux courts, mais ils sont bien épais. Ouais. Ils sont jolis, volumineux, au stylo bleu. Il fait chaud. Du coup, les esprits chauffent. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je veux pas de vomisateur. Ok. Martin Baclo, dépêche-toi, sinon on va foutre en l'air ton émission. T'as trouvé quoi ? C'est malade. Qui a laissé quoi ? Il a laissé son sac. Et toi, tu te dis on est en live là ? Mais on n'est pas en live. Si, on est en direct. Non, c'est à 17h. Il est 17h. Il a dit on est en direct sur internet. Ouais. Bah ouais. On est fou. Bah on est des fous, en plus toi tu dessines. Je pense que je dessine. Tu dessines moi ? Non. Bah voilà, tu me fais. Tu me fais grosse. Je suis pas aussi grosse. Hein. Pas grosse. Déjà c'est pas toi. Martin, vous avez bien fait de vite revenir. Parce que sinon votre émission elle était foutue. De quoi tu parlais alors ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Oh franchement, madame elle peut commenter. J'ai raté plein de choses, c'est sûr. J'ai raté plein de choses, Martin Macron. Allez. 5, 6, 3, 2. Voilà, enfin, on attend un peu. Falloir que parle. Moi, je m'entends très mal, mais bon, c'est pas grave. Ah, 2. Oh. On n'entend pas Farouk. Hein. Wally, Walou. Ouais, Farouk. Attends, Farouk, quel numéro t'es au micro ? Pas de numéro. Si, il y a un numéro quelque part. 4, vas-y. 4, ouais, c'est ça, c'est 4. Vas-y, parle. Okay, c'est 4. Voilà. Allô, allô, allô, allô. Oui. Allô ? Ah. Oui, là, on entend. Non. Voilà. Tu peux faire chanter une chanson pour nous, Farouk ? Non. C'est quoi que tu dessines, là ? Mais t'es sérieux, toi ? C'est un monstre. Non, c'est comme un... Comment s'appelle ça avant d'être un papillon ? Tu sais, un... Ah, une chenille ? Une chenille. Avant moi, je dirais que c'est un... Comme lui, là, qui est dans Aladdin, qui sort de son... Le génie ? Ouais, le génie. Vrai. C'est une femme génie, là. C'est un cocon. Oui, c'est comme un cocon, ouais. Mais c'est peut-être c'est ça. C'est une femme papillon. Tu es en cocon ici, à un moment donné, tu vas voler dehors. Hein. Tu ne vas pas passer tout le temps ici, non ? Oh, bah tu vois, c'est moi que tu dessines, même Martin le confirme. Bah tu non, tu m'as dessiné dans un cocon. Bah si tu veux. Bah c'est bien. Je suis en bleu. J'aime bien le bleu. Comme ça, tu es en cocon. Ça, c'est ma tenue officielle de la psychiatrie. Ton uniforme. Qu'est-ce que vous voulez dire, ouais, ça. Déjà, il n'y a pas grand monde à la radio. Non, il n'y a personne. Pourtant, il ne manque pas d'ambiance. Hein. Non, il n'y a pas grand monde parce que. Il est où mon pote bulgare ? Marianne. Aux attends, allez-y. Je veux dire. Le spectacle est magnifique. Les spectateurs, ils sont géniaux. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui, mais oui, on a fait 7 minutes, on est en direct. En fait, là, on est en direct sur le internet. à Villevra. Oh, oh, c'est lui, on est oui. Seul Villevra. Oui, secteur 14. Ouah, nous sommes uniques dans le monde. Et voilà, on est au secteur 14. Là, et nous sommes revenus après que les piles sont parties. Ouais. Heureusement, matin, Baclo les a changées. Voilà. Nous avons des piles, oui. Oui, nouvelle pile, parce qu'on est à pile, hein, ici. Hein, c'est là. Matin, tu crois l'hôpital ici, le personnel nous écoute. Si, si, on est là, on est sur Internet. Tu crois les médecins nous entendent. Et dans 5 minutes, on est sur les ondes 55. FM. Bien. Tiens, Farouk a parlé. 16h55. Oui, à 5 heures, c'est l'émission qui passe sur les ondes FM. Tiens, mais t'as une belle fleur là-bas. Ouais, c'est quoi comme fleur? Oh, c'est une fleur verte. Ouais, ça grimpe, ça. Ouais. Il y en a un arrière pour les oiseaux. Ouais. Voilà, donc on a... Ah ben à chaque fois que je viens à cette radio, je rigole toute seule. Du coup, il n'y a pas de programme de lancer, rien. Il y a un programme, enfin, il y a madame Ouicha, Choumicha, qui veut parler de tout, de la totalité. De tout. Tout ce qui existe. Donc, c'est vous que vous allez commencer. Dans 4 minutes, vous allez commencer. Et nous, on va essayer. Tu veux parler quelque chose, Farouk? Ivana veut chanter. Aujourd'hui, tu es obligé parce qu'on n'est pas nombreux. Si je chante, il pleut. Regarde comme il fait beau dehors. Ben, ça sera du bien. Regarde comme il fait beau dehors. Bon, Farouk va chanter et dessiner. Non. Il va parler. Peut-être. Tiens, Martin, hein, je t'offre le dessin de Farouk. Waouh, magnifique. Il est magnifique, hein. Mais tu veux pas m'offrir un dessin à lui. Pourquoi tu m'offres le dessin? C'est mon dessin. Parce que moi, je suis ta femme. Moi, je fais ce que je veux. Oh là là là là. Voilà. Ivana, et toi, tu veux parler de quoi? Pourquoi t'as dit mon nom? Je suis la maman de Mélina. Ah pardon, arrête. Madame de Mélina, désolé. Oubliez non, mais... tout ce que je dis. Tu m'as découvert ma personnalité de psychiatrique. Je hypnotisais tous les radiospectateurs. Je disais, écoutez, à la compte de 3, vous allez oublier tout ce que j'ai dit. Quand t'as Mélina Black. Oui. 1, 2, 3. Bon, voilà. Voilà, je suis la maman de Mélina et non pas Ivana. Voilà. Bah, tu t'es cramé. Et tu voulais parler de quoi, maman de Mélina? Ah non, mais moi, je parle de tout et de rien. Tu veux nous raconter un rêve? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps... Ah, tiens, Martin, j'ai un super rêve de toi. Je suis dans mon lit, je dors. Et dans mon rêve, il y a quelqu'un qui vient me prendre et me dit, on y va. Et on commence à traverser d'un seul coup le monde entier. On traverse les différents pays. J'arrive où? J'arrive en Arabie Saoudite, à la Mecque. À la Kaaba, tu sais, la pierre noire. Ouais. J'arrive... Je rentre dedans, je descends l'escalier et je vois autour des murs comme ça, il y avait des écriteaux bizarres. Et genre, je lis comme ça et d'un seul coup, je commence à descendre vers l'enfer. Et j'ai peur dans mon rêve et je me réveille. Wow. Franchement, sur la tête de ma mère, j'ai rêvé de ça. Et qu'est-ce que tu penses de ce rêve? C'est intéressant, non? Je pense que j'ai ouvert les portes de l'enfer. Non, pas forcément. Là, tu penses que tu... Parce que je suis la reine de l'univers, t'as oublié ou quoi? Tu es en train de lire quelque chose. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait flipper. Je me rappelle qu'il y avait le Y, qu'il y avait un symbole qui ressemblait à un Q ou rien. Ou... Je sais pas, c'était une écriture, on dirait une langue morte. Ouais. On dirait un truc comme ça, avec des hiéroglyphes et des écriteaux et des vraies lettres en même temps, mélangées. Ouais. Il y avait un peu toutes les lettres. Il y avait des hiéroglyphes, des trucs chinois, arabes, français, occidental. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et je lisais comme ça dans tous les murs carrés. Mmh. Et à l'intérieur, c'était comme une salle de bain. Oui. Avec des tu sais, des quoi? De céramique, oui, c'était tout de céramique. J'avais de ça. Et c'était quand ton rêve? Ça date, ça fait peut-être 2-3 semaines. Ah oui. Et franchement, dans mon rêve, j'avais peur, je voulais me réveiller et je me suis réveillée. Oui. Et j'en ai plein de rêves comme ça, hein, qui font peur. Hein. Mais c'est ça, non, j'aime bien. Ils sont tout le temps en lien avec. Avec une divinité. Est-ce que ça serait Dieu ou le diable ou les deux? Je sais pas. Mais toujours dans un lien comme ça. Hey, j'ai ma place ici en psychiatrie, je te le dis. Hein. Mais pourquoi ça t'a fait tellement peur? C'est ta vie, c'était. Parce que c'est tellement réel. C'est tellement réel que je ressens le truc. Je sais que dans mon rêve, je rêve. Ouais. Et je veux me réveiller. Et alors, je me réveille parce que j'ai peur. En fait, tu as même conscience. Ça s'appelle des rêves lucides. Voilà, des rêves lucides. Ah, ouais. C'était tellement réel. Je traversais le monde. Je voyais des paysages, des pays, du vert, des routes, des maisons, jusqu'à arriver à la Mecque. tout droit à la cabane, je vois la pierre noire, je rentre, je descends l'escalier comme ça en rond, je m'arrête au milieu et je lis comme ça autour de moi, et d'un seul coup je commence à descendre vers l'enfer. Ça me faisait flipper. Mais tu étais sûr que c'était l'enfer ou c'était... Je te promets, il y avait les murs, ils étaient en feu. Je sais pas si tu as vu le clip. Comment il s'appelle le mec là qui, depuis qu'on a pris que c'est un PDI, il s'en fout. Qui ça? Montréal? Non, c'est pas lui. Non, c'est Lille quelque chose. Il a fait un clip. Et dans son clip, il descend vers l'enfer parce que c'était pareil dans mon rêve. Ah oui? C'était pareil. Il montre comment il descend vers l'enfer, genre à toute vitesse comme ça, et les murs autour, ils s'enflamment et tout. C'était, ça faisait peur. Hein. Oui, mais moi, je pense que dans la première partie de ton rêve, tu avais un message. C'était comme toi, tu étais une espèce de... En fait, tu as une connaissance du langage des rêves. Là, c'est ce que je te dis. Je te dis, je suis la reine de l'univers. Mais j'ai ouvert les portes de l'enfer et maintenant, on est tous dans la mer. Tous ceux qui vont mourir à présent, ils vont tout droit en enfer parce que les gens sont beaucoup trop pécheurs. Ah oui. On est des pêcheurs dans le monde. Avant que je fasse ce rêve, il n'y avait personne qui allait en enfer parce que je tenais la clé. Donc tout le monde allait tout droit chez mon père au paradis. Ah oui. Et là, tu as perdu les clés de paradis ou pas? J'ai pas perdu les clés de paradis, c'est que je suis devenue suffisamment faible pour que le diable il m'oblige à ouvrir les portes de l'enfer. Et là, je te parle dans un livre totalement sérieux. Non, mais je te suis. C'est ça. Mais c'est intéressant les rêves parce que les rêves... C'est plastique, tu sais, le rêve, tu le peux moduler. En plus, tu as la conscience que tu es dans le rêve. Voilà, j'avais plusieurs fois. Hein. Donc ça n'est pas rien. C'est-à-dire que tu peux même transformer tes rêves. Aucune idée. Peut-être, tiens, je ne me suis jamais dit dans mon rêve pourquoi je ne réagis pas. Oui. À chaque fois, j'ai peur, je flippe et je vais me réveiller. Ah ouais, mais jamais je prends l'initiative de faire quelque chose. Mais ouais, ouais. Les gens qui ont des rêves lucides comme toi, ils ont des secrets pour pouvoir se réveiller. Par exemple, tu peux... Quand tu te rends compte que tu es dans un rêve, tu peux regarder ta main. Oh, c'est tu vrai. Peux faire un saut comme ça. Tu possible. Voilà. Ouais, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne savais pas. Hein. Mais oui, il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu continues ton rêve et que tu transformes ton rêve. Et tu dis, ouais. Voilà, j'en ai marre d'être dans l'enfer. Rendez-moi le clé du ciel. Il était comment le ciel quand tu étais dans le ciel? Je n'ai pas compris. Enfin, avant, tu disais que tu avais la porte ouverte du ciel. Et maintenant, tu as perdu la clé ou je ne sais pas quoi. Non, j'ai ouvert les portes de l'enfer. Et le ciel, c'est passé quoi? Non, mais le ciel, c'est là-bas. Hein. Mais l'enfer... L'enfer, c'est mon ennemi. Parce que je t'ai déjà parlé de ça, ouais. De diable et tout ça. Je te disais, c'est mon mari, tout ça, blablabla. Oui, mais on peut continuer à en parler. Mais dans une autre vie. Une vie parallèle à celle-ci. Dans un... Je vous rappelle que je suis à Villevra, c'est un hôpital psychiatrique, alors rien d'étonnant que je raconte de ce genre. Je parle au spectateur. Hein. Mais c'est pas, je trouve pas que ce soit fou, hein. Je trouve que c'est très, très cohérent ce que tu dis. Je sais pas. Sauf souvent que tu as peur. Tu as un peu peur de ça. Je peux. Si tu aurais moins peur, peut-être c'est vraiment mal. Hein. Je sais pas, mais attends, mes rêves ils sont bizarres et réels, ils me font peur et voilà. Mais la prochaine fois, tu dis voilà, on va changer les rêves, c'est fini. Hein. Allez, changer tous ces décors, tous ces feux, vous le transformez. On ne sait pas en quoi on peut transformer le feu de l'enfer. Des fois, je dirais, j'arrive même pas à les expliquer tellement ils font peur. Je rêvais que, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est en fait des images sans transmission. Non. Il se passe un truc, ensuite il se passe autre chose, ensuite autre chose. Je suis là, je suis là-bas, je suis là. Tu es dans plusieurs endroits en même temps. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Mais tu sais qu'il y a, dans la physique contemporaine, on parle qu'il y avait multivers. Exactement, donc je suis dans le multivers. Mais oui, il y a une Ivana comme ça. Hé, hey, bonjour. Bonjour, Lisa. Madame. C'est avec nouveau look. Hein. Ouais, super, le look d'été. C'est extraordinaire. Tiens, prends un micro. Bienvenue. La loup qui rentre du travail, voilà, c'est pas facile. Ouais. Tu travailles en quoi en ce moment? Je travaille dans les grands magasins en tant que vendeuse, et c'est pas facile. Ah ouais. Ça change tout quoi. Bah bon, ouais. Voilà. Bon, après, tu nous raconteras tout d'accord, ça. D'accord. Parce que tu es bienvenue, Magali. Okay, parce merci. Que là, la maman de Mélina, elle est en train de nous raconter un truc super intéressant sur les rêves. Ah, mais ça y est, j'ai fini. Super. Hein. Non, parce qu'elle a des rêves super intenses, c'est vrai. Très lucides. Et... Non, mais ça fait, c'est des rêves qui font peur. Hein. Ta femme aussi, elle fait peur. Là. Parce qu'il faut qu'elle nous fasse un autre dessin avec une autre fille dessinée. Elle est belle. Mais oui. Et elle fait peur. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que c'est la beauté c'est qui fait peur ? Son regard qui fait peur. Son regard ? Ouais, le regard qu'elle le mène. Il est 17h, madame. Mais 5. Tu sais que la peur... Ouais, on est en direct là sur Pinot, sur les ondes FM à Paris et Mulhouse. Et on parle avec la maman de Mélina sur tous les rêves. Parce que là, elle a des rêves que je trouve tellement mystiques et fascinants. Mais le problème, c'est qu'elle a peur. Tu veux partir ? Tu veux partir ? Oui. Oh, mais c'est dommage, on est là encore une heure. D'accord, avez... je reste encore un petit peu. Oui, parce qu'il faut que vous nous parliez après de tout. D'accord. Donc, après le rêve, mon c'est frère, vous que... Il vient chercher à 18 ans, mon frère. Voilà, ah, donc on a encore 40 minutes. D'accord. Même 50. Et oui, pour revenir au sujet, c'est la peur en fait. Je sais pas, Martin, c'est la peur, c'est. Ouais. La peur de prendre un risque peut-être. Ouais, mais peut-être à ce moment-là, dans les rêves, il faut dire. Voilà. On peut boire un petit café, s'il vous plaît. Il faut préparer. Oui, on peut, il faut le faire. On n'a pas de café ni de filtre. Non. Si. Comment vous savez ça ? Bah parce que Farouk l'avait fait. Il a essayé. Bon. Donc il ne faut pas avoir peur. Tu sais, la première chose quand un ange apparaît à un être humain. Quelqu'un qui ne parle pas, tu es bien connu à la radio. Il décide. Ah, mais bon. Bah, des fois, il chante, Farouk. Des fois, il chante, en effet. Et surtout, il chante très bien. Ouais. Bah, tu peux chanter un peu ? Oui, c'est prévu dans les programmes. Hein. Ah bon, c'est prévu. Bah oui. Je ne savais pas. Chante quelque chose sur les rêves. Sur les rêves. Ouais. Prends ton micro. Je ne suis pas écrivain. Hein. Tu as chanté une chanson ? Je sens que Jean-François arrive. Hé hey, comment tu as senti ça ? T'es trop fort ! Jean-François. Mafia ! Putain, il est en l'air. Salut Jean-François, bonjour. Bienvenue Radio Metanoia, il s'arrête tout le monde, bienvenue tout le monde. Bah asseyez-vous, prenez place. Farouk, il vous a pressenti. Comment tu as pressenti ça ? Prends un micro. Attends, il y a un autre micro ici. Non, mais attendez, Ivana, maman de Melina. Parce que c'est fascinant le sujet des rêves. Et Farouk allait chanter. Mais moi, je trouve que la question, ce n'est pas avoir peur. Parce que la peur, finalement, ça te fait que tout ça se détruise. Allô. Ça y est, mafia est arrivée, il faut changer de sujet. Bonjour, auditeur. Bonjour, c'est Jean-François Océan ici. Allez, vas-y. C'est Jean-François Océan. Je vous présente Nadia, mon invitée. Une qui a vu mon film Funambule, c'est ça ? Venez, madame. Asseyez-vous. Ah, si, présentez-vous, prenez un micro. Présentez-vous, vous appelez comment ? Vous appelez comment ? Il y a un autre micro là, prenez un micro. Prenez un micro. Attends, je vais passer le micro, merci. Merci, Magali. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle madame Keïta Fanta. Je suis l'invitée de Jean-François. Et que j'ai vu, dont j'ai vu le film Funambule. Ouais. À Bondy, par rapport à la mairie de Bondy. Ouais. Et ce film m'a vraiment fait du bien. Ah car oui. J'en avais besoin, moi. Ça fait du bien. Ça m'a réveillé un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pu sentir dans le film ? Quand j'ai vu le film, je me suis vue dans ce film, en fait. Ouais. C'est par rapport à mon histoire. Mmh. Et je pense que Jean-François, il était sur mon chemin pour que je puisse m'en sortir. Ah oui. Et vous l'avez rencontré pendant la projection du film, ça ? Après la production du film, j'ai vu le lendemain dans le bus, par hasard. Ah, autour de comme ça, par hasard. Et aujourd'hui encore, je suis tombé sur lui, par hasard. À nouveau. Donc il y a quelque chose qui vous ressemble. Je pense que ça a un sens. Ah, eh oui, bon, bienvenue. Hein. On fait la radio ici, c'est un lieu de rencontre. Tout à fait. Ouais. Voilà, on a un autre micro là. Il y a Magali qui va parler aussi. Attends, on a un programme chargé aujourd'hui. Pas chargé, pas très chargé. Car parce qu'on je suis suivi par le centre spectrique de Bondy ici. Le CMP. Le CMP. Ok. Peut-être un jour vous ferez un film avec Monsieur Clipper. ce sera votre tour d'être actrice. Ok, je voudrais bien voir ça. Tu vois. C'est facile à faire avec lui. Voilà, voilà, oui, bienvenue tout le monde. Alors, pour Oisha, Oisha Mouchard, c'est ça, ton prénom? C'est Soumicha, mon prénom. Voilà, ça veut dire soleil. Soleil, oui, exactement. Dans quelle langue? Algérienne. Ah, voilà, bienvenue soleil. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous venez de parler de tout, vous voulez parler de la totalité. Allez-y, on vous écoute sur Radio. Je voudrais vous parler de choses qui sont importantes. Les spectateurs, ils vont bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je l'espère de tout mon cœur. La fatalité des gens, je suis très contente de venir passer des mamans et vous dans la radio. Ça fait du bien pour moi et merci quand même. C'est tout. C'était ce que j'avais à vous dire. C'est ça tout ce que vous voulez dire? C'est tout. Mais vous voulez parler de tout. Qu'est-ce que c'est le tout? Qu'est-ce que c'est la totalité? Et le travail, la santé, tout. Oui. Et c'est tout. C'est tout. La santé, le travail, c'est tout. C'est tout. Le plaisir. Vous avez le plaisir, bien sûr, le plaisir aussi. La fidélité, tout. Ça me concerne. Merci à tous les spectateurs de radio. Oui, merci à vous pour votre témoignage. Et puis, vous êtes bienvenue. Tous les mercredis, on est là entre 15 et 18 heures. Et voilà. Et donc, on a un programme, vous allez parler de tout. Vous nous avez parlé de tout. C'est quand même, il faut le faire. Il faut oser parler de tout. D'accord. Julien, qui est parti, il revient. Il voulait partir en nouvelle musique parce qu'il devait fermer la porte de sa maison. Mais il revient. Farouk va chanter des finés. Moi, je vais aller présenter un bouquin qui s'appelle « Le son comme arme ». Attends, Jean-François, vas-y, tu peux parler. Hein. Mais parle, parce que sinon, je n'entends pas. Oh, dis-moi, oh, dis-moi, dis-moi. Mais oui, oui, mais évidemment. Il y a tous les mercredis, on a la colonne « L'astrologie astrale » qui fait Jean-François Ossiane, qui vous pouvez nous appeler. Hein, 06 58 49 01 01. 06 58 49 01 01. Vous nous appelez et vous avez les droits à une interprétation astrologique magistrale de Jean-François Ossiane. Voilà. Et tu voulais parler quelque chose, Jean-François, en dehors de ça? Je voudrais bien prendre justement de la personne qui a vu mon film. Je voudrais y faire son thème. Ah oui. Ah. Et après, c'est Magali qui va nous parler d'autre chose. Vous êtes de Nikan. 30-09-70. Pas le micro. 30-09-70. Donc au mois de septembre, donc vous êtes du Balance. Bon, c'est un bon signe. Ascendant? Je sais pas. L'ascendant, c'est simplement le quand vous êtes, à l'heure que vous êtes né. Je sais pas. 6h25. Et vous savez, si la prochaine un mercredi. Oui, un mercredi. Le mercredi, c'est pas la peine, mais c'est à l'heure que vous êtes né. Vous nous direz la prochaine fois. Maintenant, vous nous donnez 5 chiffres de 1-22. 6h25. 6h25. Maintenant, un mercredi, d'accord. 6h25. Maintenant, vous me donnez 5. Vous pensez à n'importe quoi, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez vous établissez maintenant, les problèmes, tout. N'importe quoi. Vous fermez les yeux, vous donnez 5 chiffres de 1-22, pas les mêmes. 4. 7. 9. 2. Et dernier, c'est le plus important. 6. Bon, j'ai une femme amoureuse. Oh, la chance. Vous avez l'amour en vous. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous n'êtes pas une femme ni méchante ni mauvaise. C'est en vous, c'est l'amour qui est en vous. C'est pas l'amour sexuel, c'est de l'amour. L'amour, c'est de l'amour. J'aime les gens. Vous aimez les gens, vous aimez le contact. J'aime aider. Vous avez un homme? J'aime aider les gens. Oui. Mais amoureuse, amoureusement. Non. Ah, micro, Magali, s'il te plaît. C'est amoureux. C'est différent parce qu'on aime les gens, on aime les êtres humains, oui, non, on aime les animaux. C'est l'amour qu'elle a sorti. Non, c'est l'amour qu'elle a sorti, mais c'est l'amour qu'elle a sorti en général. Ouais. Elle est sortie au milieu, mais elle entoure. Elle est au milieu, mais tout l'entoure. Un A avec un grand A. Amour, c'est l'amour en A. Général. Les choses. Elle irradie d'amour, elle inonde le monde d'amour. Alors, vous avez un tout monsieur de place assise à côté de vous? Vous avez un homme? Non. Pas en ce moment, non. Vous connaissez quelqu'un de place assise, quand même? Quelqu'un qui est au placé? Oui. Bon. Vous avez des enfants? Non. J'ai deux enfants. Oui, c'est marqué. Sept, vous avez très peu d'argent, mais ça tourne gentiment. Pas trop. Ça, vous avez peu d'argent, mais vous arrivez à faire avec. Avec. Et j'en aurai toujours. Dites-vous bien pendant 6 mois. Neuf, vous êtes effectivement toute seule, vous dirigez par vous-même. OK? Bon. 10, par contre, vous êtes une femme intelligente. Intelligente, et avec l'homme que vous connaissez qui est empereur, parce que c'est un empereur, hein, il pèse aussi, le carré, ça bouge pas ça. Oui. Bah, vous aurez un peu plus d'argent, l'amour, il y aura de l'amour, il y a de l'argent, et ça va avec, tout le temps. C'est de l'amour spirituel, pas de l'amour physique. C'est pas sexuel, spirituel. C'est de l'amour spirituel. 8, vous êtes très juste avec vos enfants. Vous les élevez avec droiture. Tout à fait. L'argent pour l'argent qui tourne doucement, vous avez beaucoup d'amour et de l'amour. Vous avez l'action, amène à l'action. Quand vous faites une action, par exemple, je fais une action de prendre le foulard, de le mettre au cou. Micro. Le mettre au cou. Et là, je fais l'action de le mettre derrière. Après, j'ai trop chaud, je fais l'action de l'enlever. Une action amène à une autre et je repose. Et après, je repose sur mon. Une action amène à une autre. Il faut toujours être actif. Actif. Soyez actif, madame. Une action amène à une autre, toujours. Très vrai. 16. Vous allez déménager ou faire un voyage? Je pense à un voyage. Bon, c'est un voyage. Bon, ça passe. Si c'est déménagement, c'est la maison qui tombe. La maison tombe, la maison de Dieu tombe, mais j'étais toute seule à vous ramasser. Là, non, c'est un voyage, tant mieux. Bon, il y a quand même de la sexualité. Il y a quand même. Vous avez des envies sexuelles. Ok, c'est comme tout le monde. C'est oui, la comme vie. Tout le monde. Vous êtes un être humain, madame. Vous êtes un, moi, j'ai des envies sexuelles. Madame a des envies sexuelles. Vous avez des envies comme tout le monde. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Ça fait partie de la vie. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 52 ans. Bah, j'ai déjà. On est encore jusqu'à 8h. Il y a une transformation que vous allez faire avec une personne. Il y a une personne qui va vous transformer la vie. Vous serez toute seule devant cette personne-là, c'est un empereur. Je sais qui est, je ne dis rien. Je sais qui est exactement. Je pense que c'est vous. Non, non, vous trompez, madame. Je sais qui est, c'est quelqu'un qui est bien plus peu. Moi, je ne suis rien dans la vie. C'est une personne qui est ici, exactement, qui vous suit. Vous suivez ici. Bon, qui vous suit, oui. C'est lui qui va transformer votre vie. Vous voyez Martin? Oui. Vous voyez Claire? Non. Non, qu'est-ce que vous dites? Une personne qui le place assise, qui va transformer sa vie, c'est une personne qui est ici, elle est suivie ici. Donc, vous savez qui est-ce? Ah, donc je ne sais pas. Il est parti au voyage. C'est vous qui êtes les voyants. Il est parti au Brésil. Il revient le 26. C'est monsieur Pedro Serra. Bonjour Pedro, si tu nous écoutes. Ah oui, bonjour. En vacances. Bonjour. Il a l'amour des enfants. Vous avez l'amour avec ce. Avec, il vous donne l'amour de vos enfants. C'est-à-dire que les problèmes que vous avez avec les enfants, c'est lui qui vous donne cet amour. Cet amour pour vos enfants. Il vous transmet comment donner l'amour pour vos enfants. Qu'il n'y ait pas de problème. Je pense que monsieur Serra, je dois le connaître. Oui, bah, vous le connaissez, c'est chef de celui-ci. C'est sa régie. Martin, c'est le général de son animateur. C'est bien ça. Ah, Martin, c'est bien ça. Le chiffre. Pour l'argent, pour vos enfants, vos enfants, sont grands vos enfants? Mes enfants sont comme moi. Quel âge? 32 ans et 24 ans. Bon, ils font leur vie. Ils rapportent de l'argent. Je les aime beaucoup. Oui, ils rapportent un peu d'argent aussi. Un peu. Très peu, mais ils font ce qu'ils peuvent, je pense. Ils ont des problèmes aussi. Bon, ben, vous tenez partir avec eux en vacances? Oui, c'est signalé, oui. Vous avez beaucoup de volonté dans la vie, c'est tout. Continuez, au revoir. Merci. Oui, merci beaucoup. C'était l'astrologie astrale de Jean-Claude Ossian, comme tous les mercredis. D'ailleurs, si vous voulez avoir un autre, s'il a encore ce pouvoir en forme, si vous nous appelez sur mon téléphone au 06 58 49 01 01, vous avez le droit à une consultation de l'astrologie astrale avec Jean-François Ossian, qu'il faut dire, il est habillé comme un vrai magicien, tout en blanc, avec son chapeau en fieltre, ses anneaux en doré, avec une pierre magnétique, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, il enferme plein de secrets. Et ses boucles d'oreilles, voilà, c'est notre danseur, astrologue, artiste de son. Bon, bah, votre prénom, j'ai oublié, madame, c'est quoi? Fanta. Fanta, vous êtes bienvenue à la radio, hein. Chaque mercredi, vous êtes là. Hein. C'est Fanta. Fanta, bienvenue, vous pouvez venir tous les mercredis qu'on est là, sauf le 17, je crois, mais la semaine prochaine, on est là. D'accord. Et après, à la rentrée aussi. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille pour la SNCF, le comité d'entreprise de la SNCF. D'accord. À Bondy? À Paris. À Paris, d'accord. À Paris. Et à Bondy, vous vivez à Bondy? Je vis à Bondy depuis 20 ans. D'accord. Et ça vous plaît, Bondy? Oui, j'aime Bondy, c'est ma ville. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de choses qui changent à Bondy. Comme quoi, par exemple? Bon, comme là, je suis malade, mais je n'ai pas eu le temps de m'occuper. Oui. J'aimerais que Bondy soit la ville la plus propre de Paris. Oui. C'est pour toujours, pour que ça soit la ville la plus propre. Et Paris aussi, j'aimerais que Paris soit la ville la plus propre. Comme Paris, c'est une ville, c'est la capitale de la mode. Mmh. J'aurais aimé que Paris soit la ville la plus propre du monde. Ouais, on est loin quand même, non? Et ça c'est mes envies, c'est mon projet, c'est dans mon projet. C'est un super projet, c'est un beau projet. J'ai essayé de parler de ce projet au maire de Bondy, mais pour l'instant, je n'ai pas été reçu. Alors, maire de Bondy, écoutez-nous à la radio, recevez ma Fanta, qui a un projet magnifique à vous présenter. Et c'est quelqu'un qui habite à 20 ans, plus de 20 ans à Bondy. Donc, on viendra vous rencontrer, sinon. On viendra à l'équipe de reporters de la radio lui parler. Non seulement je veux que Bondy soit la ville la plus propre, et je veux que Paris soit la capitale de la propreté pour 2024 et pour toujours. Oui, c'est bientôt ça, dans 2 ans. Donc c'est pour ça que j'aimerais rencontrer le maire de Bondy. Bon, on va aller l'année prochaine, on a plein de projets, enfin l'année prochaine à la rentrée. Entre autres, on va faire une équipe des reporters, enfin des chroniqueurs. Et on va aller faire des interviews au maire de Bondy, s'il nous reçoit, au gardien de l'enfer, s'il nous reçoit dans le rêve de la maman de Mélissa. Et voilà, plein de gens, on va les rencontrer. Farouk, c'est lui qui lui a donné le don du dessiner comme il dessine, parce que malheureusement à la radio on ne peut pas transformer le beau dessin qu'il a fait Farouk, mais peut-être on va le mettre quelques-uns sur le site internet s'il nous autorise de temps en temps. Ouais. Voilà, bon, bienvenue Fanta, en tout cas, on est toujours là. Et Magali, qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui, Magali? Ça fait plaisir de te voir comme ça. Moi, j'aurais bien aimé parler des rêves avec les personnes qui parlent des rêves, parce que j'ai fait un grand travail pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me réveillais, peu importe l'heure à laquelle j'ouvrais les yeux, je prenais un cahier et je notais ce dont j'avais rêvé. Et j'ai fait cette discipline très longtemps. Et après, quand je relisais mon cahier, je voyais que des fois, pendant 2 semaines, je rêvais d'un truc. Après, j'en rêvais plus du tout. Après, ça revenait. Et j'ai essayé de voir après, j'ai fait une sorte de synopsis d'analyse résumée en regardant qu'est-ce qui revenait le plus souvent et souvent. Et j'ai vu des choses. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est si on ne le note pas tout de suite dès qu'on se réveille, on ne s'en rappelle plus après. Parce que la journée, elle commence et puis ça chasse le rêve. Et à force de faire cet exercice, et j'avais lu beaucoup de livres sur les rêves éveillés et tout ça, et ben, des fois, quand je rêve, je suis spectatrice de mon rêve et j'arrive à agir. C'est-à-dire un peu un livre comme Vous êtes le héros. C'est-à-dire je suis dans mon rêve et j'arrive à me dire ben, je vais plutôt prendre cette option-là, plutôt prendre cette option-là. Et donc, je suis un peu spectatrice et actrice de mon rêve. Et des fois, avant de dormir, il peut y avoir une préparation alimentaire aussi qui peut faciliter ou non les rêves, si c'est très fécond ou pas. Et on peut aussi, avant de se coucher, introduire des éléments qu'on a envie de retrouver dans nos rêves. Et ça marche assez bien. On se concentre sur des choses et après, dans le sommeil, ça travaille. Et moi, je sais que ça me passionne énormément. Et quand j'avais fait un petit boulot là sur Antonin Artaud, il disait à un moment dans un poème que les rêves, c'est vrai. Et il y a des gens, je leur disais, mes nuits, elles sont plus intéressantes que vos journées, parce que je fais tellement de choses dans mes rêves, j'ai une double vie. Et voilà, quoi, je trouvais ça... Ah, je suis en silence. Voilà. Et c'est vrai, le rêve, c'est une vie, une deuxième vie. Ouais. Hein, et tel comme le rêve se fabrique avec des éléments de la veille se fabrique aussi avec des éléments du rêve. Ouais. Donc on a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois dans la journée, vous vous dites, mais ça, j'ai rêvé ça. Déjà vu. Déjà vu, voilà, ouais. ou jamais vu, que c'est un peu le contraire de déjà vu. Ouais. C'est jamais vu, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, et à un moment donné, je ne le connais plus. Ouais. Moi, c'est quelqu'un de nouveau pour moi. Ouais. Donc c'est des phénomènes que toute la vie onirique nous apporte à chaque jour. Je crois que ça nourrit vraiment mon aventure sur Terre énormément. Et bon, après, quand je suis hospitalisée ou quand j'ai des moments un petit peu up, maniaque et tout ça, bon, là, par contre, c'est un peu dangereux parce que ça se mélange la journée et le rêve. Mmh. Et alors là, bon, ça fait des trucs un peu bizarres parce que je crois que c'est dans la journée qu'il m'est arrivé des trucs. Puis en fait, des fois, c'est dans mes rêves seulement. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, même si je pense que de toute façon, si c'est arrivé dans les rêves, il y a une signification, il y a quelque chose, il y a pourquoi, il y a un pourquoi, pourquoi c'est venu, il y a une explication, il y a quelque chose. Mais c'est pour ça que tu aimes tellement le surréalisme, parce que le surréaliste, il savait qu'on projet de ramener le rêve à l'action. Il y a un très beau texte d'André Breton de 1924, je crois, qui s'appelle « Introduction au discours sur le peu des réalités ». Et il disait, en fait, la réalité, ça nous intéresse pas vraiment parce que non, nous sommes surréalistes. Mais, comme elle insiste, on va profiter pour placer les objets du rêve dans la réalité. Ah ouais. Comment ouais. on peut... Nous, on est un peu des passeurs du rêve ouais. et on amène des objets du rêve pour s'intégrer à la réalité. Ouais. Donc peut-être c'est ça qui ton esprit te demande. Bah peut-être. Et puis il y a 3 ou 4 ans, j'avais beaucoup ce qui s'appelle le phénomène la Madeleine de Proust. C'est-à-dire quand je me promenais seule longtemps, je voyais une couleur ou je chantais une odeur et ça me ramenait là à des choses que j'avais vécues ou que j'avais ressenties. Mmh. Et c'était extrêmement du bonheur, du plaisir, du bien-être. Mmh. Voilà. Tu peux nous raconter un comme ça, ou un moment où... Moi, ça m'arrive souvent dans le sud. Là, je suis allée voir ma maman dans le sud. Quand je vois la végétation dans le sud, les arbres, les fleurs et tout ça, ça me transporte. Et à des moments que j'ai vécu enfant dans le sud avec ma famille, et à des moments dans mes rêves où j'imagine que je vis en Guadeloupe ou je sais pas quoi, et à des moments où je suis en crise, où là il y a un mélange, parce que je suis ici, mais je crois que je suis en Guadeloupe. Alors j'ai jamais mis les pieds en Guadeloupe, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai l'impression de connaître par cœur. Et j'ai plein de sensations qui viennent de la nature, en fait, des arbres, des fleurs, et des odeurs, les odeurs beaucoup. Oui, mais ça se mélange un peu, à, comme disait Rimbaud, il y a des odeurs qui t'envoient une couleur, un son si. Qui t'envoie sur une odeur. Si, et des bruits d'animaux aussi, comme les cigales, ou voilà, les petits oiseaux, les bruits qu'ils font et tout ça, bah oui, tout ça, ça fait, ça fait un cinéma interne. C'est pour ça, docteur Serra, puis beaucoup, moi je suis un peu, je respecte énormément le corps médical, y compris les psychiatres, mais j'ai un petit côté aussi un petit peu anti-psychiatrie, parce que souvent ils sont pas très réceptifs à toutes ces narrations, et pourtant c'est des choses qui nous arrivent en vrai. Et eux, ils croient que ça ne nous arrive pas en vrai. Ouais. Et ça nous arrive en vrai, ça, je peux leur dire. Et c'est vrai que des fois, la psychiatrie, ça met une barrière entre nous et cet univers, en fait. Mais moi, je ne peux pas vivre sans cet univers. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je réussisse, pour réussir à vivre bien, à travailler, à continuer à avoir une vie quand même insérée dans la société. Il faut que je réussisse à instiller un peu tout ça, à que ça passe à travers la barrière psychiatrie, mais que ça ne les démolisse pas complètement. Alors, voilà, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Dr Serra, avec des psychiatres et tout ça, pour essayer de trouver le bon équilibre, pour continuer à être moi-même, à être riche de tout ça en moi, mais en même temps en respectant les impératifs de la société. On parle de rêve, maman de Mélissa. On a besoin de toi, là, parce qu'on a besoin d'experts de rêve. Et il y a le camion de glace qui est là. Ouais, il vient tout le temps. Mais oui, c'est très, très important ce que tu dis, Mélissa, parce qu'on essaye dans ce service, justement, on intègre les éléments de la psychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle, de la poésie, de l'art. Ouais, c'est super. Pour ne pas construire, des murs entre l'expérience subjective, soit-elle folle ou pas, enfin une expérience subjective, et le soi-disant réalité collective. Donc, à la place de créer des murs, comme elle fait des fois la psychiatrie, quand elle donne des médicaments, ou elle essaye d'anéantir un peu les symptômes, nous, on essaye de créer des ponts. La radio, c'est par exemple un pont. Pas un mur, sinon un pont. Ouais. Moi, cette psychiatrie que j'ai connue, une psychiatrie lourde en médicaments et lourde en discours, il faut que vous soyez hyper, hyper sérieuse, enfin, je ne sais plus les termes, ça m'avait aussi impacté somatiquement. C'est-à-dire que cette chape de plomb que je vois, le mur psychiatrie comme ça, c'était une chape de plomb qui m'avait complètement séparée aussi de mon corps, ce qui fait que j'avais plus de sensations, plus rien, et je suis passée beaucoup par... C'est pour ça que je regrette que en France, on n'ait pas les moyens dans la psychiatrie publique d'intégrer des piscines, des espaces d'eau dans les hôpitaux, parce que moi, je suis passée beaucoup par l'eau, flotter dans l'eau, couler dans l'eau, plonger dans l'eau et tout ça. Et ça, petit à petit, j'ai retrouvé des sensations dans mon corps et ça a amené ce lâcher-prise petit à petit. J'ai mis très longtemps, ça fait 20-30 ans que je bosse là-dessus. Dès le début, je suis allée au hammam, au sauna, à la piscine pour essayer que mon corps ne devienne pas tout rigide comme une statue. Ah, et ça t'a aidé ? Ça m'avait fait ça, oui, ça m'a énormément aidé. Pour ça, je crois beaucoup à l'eau, vraiment aquatique, énormément. Peut-être c'est une bonne idée d'intégrer l'eau. Il y a certains, là c'est un peu un hôpital public, si on serait une clinique, peut-être on pourrait faire ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. Parce que moi je pense que vraiment des points d'eau où on peut baigner entièrement son corps. Ouais. Pour laisser flotter, et puis il n'y a pas de regard d'autrui, et notre corps il flotte, et petit à petit, à l'extérieur du corps et dans le corps, on ressent des sensations. Ouais, non, mais là, je pense que c'est tout à fait important, parce que l'eau, ça a tendance à nous réunifier, tendance à ressentir notre peau. Là, par exemple, il fait tellement chaud qu'il y a un bon bain d'eau. Prenez un micro, madame. Ah oui, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça. Oui. C'est que notre corps a 90% d'eau et la Terre, les trois quarts, c'est de l'eau. Et on arrive sur Terre, on est également dans l'eau et dans le ventre de notre mère. Mais tout à l'heure, tu parlais des rêves. Moi, j'écoutais des chercheurs et des scientifiques, justement, qui parlaient dans l'air. Bon, c'est un peu loufoque ce que je vais vous dire, mais moi, ça me parle très bien à présent. C'est quand on rêve, notre âme, bon, nous, notre âme, elle a pris notre corps hein, pour vivre cette vie terrestre. Et quand on fait des rêves, c'est notre âme qui part et qui va dans des autres dimensions, explorer des choses. Donc, si tu te retrouves dans un endroit où tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venu là, mais alors que tu n'es jamais venu, c'est que ton âme est partie là-bas. Tu vois, ou alors tu vas être dans une pièce, tu vas sentir des horreurs, puis tu vois, je connais cette odeur, je la connais, mais je sais pas d'où. C'est que ton âme est partie explorer une dimension, une autre dimension, et qui a ressenti ça, qui a vécu ça, et toi, en te levant, dans la journée, par moments, ça va te venir à l'esprit. Mais c'est ton âme qui... C'est un peu loufoque quand on entend ça. Mais l'âme, est-ce qu'il y a un moyen de plus la ramener pour l'avoir plus présente avec nous, journée comme la nuit? Ah bah oui, ça c'est la spiritualité. Hein. La spiritualité, et après, si tu veux ramener ton âme, comme tu dis, c'est avec la méditation, la spiritualité. Ouais. Tu peux... Le yoga aussi, j'arrive un peu des trucs. Le yoga, mais c'est encore autre chose, hein, le yoga. Hein. Le yoga, c'est homme. Voilà, quand on parle de méditation, de spiritualité, tu te déconnectes de toi, tu vois, et tu vas, et tu peux aller très loin, quoi, avec ton âme. Oui, et puis on parlait tout à l'heure aussi de multivers, hein, c'est ce que la physique quantique aujourd'hui, il nous dit qu'on a des multiples existences. Oui, tout à fait. Des tendances à exister, hein, c'est-à-dire on n'est pas complètement là, il y a un pourcentage de nous qui est là, mais un autre pourcentage de nous qui est ailleurs. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans cette dimension-là, on est là, mais tu as d'autres dimensions où on est... Il y a un autre là, à côté de Fanta. Là, ce qui est bien, c'est avec tous les lanceurs, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, enfin, presque plus dans le monde, tant mieux, c'est que les vérités sortent de partout maintenant. Oui. Les vérités sortent de partout. On nous a caché qui on est et d'où on vient. Et de là, maintenant, on parle des multivers, les dimensions. On parle de toutes ces choses qu'on nous a cachées. Et les vérités arrivent, et c'est vrai que c'est... La sixième dimension. Moi, il m'arrive d'assister comme ça à des... Comment on appelle ça ? À des conférences scientifiques, de chercheurs et tout. Mais j'entends des choses, je me dis, waouh, c'est... C'est du lourd, quoi, ce qu'on entend. Mais là, ça arrive, hein. Ces vérités-là vont arriver bientôt sur les écrans et sur les réseaux. Moi, je suis perfect. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qu'on va entendre. Hein. Là, on rentre dans la cinquième dimension. Mais toutes ces choses-là, les gens ne sont pas prêts encore à ça. Hein. Et donc là, le multivers, là, justement, où les mondes parallèles, mais toutes ces choses-là. Ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer. Divisible, invisible aussi, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais sauf que ceux qui vont en parler, dans le passé, ceux qui parlaient de ça, on disait, ils sont dingues ceux-là, ils sont pas nets. Mais non, ils sont même plus que nets. Et tout ça arrive là. Et les États, tout ça, nous ont caché qui on est et d'où on vient. Mmh. Donc cogite là-dessus. C'est pas leur intérêt qu'on découvre qui on est. Et la puissance qu'on a et tout. En parlant de l'invisible au visible, l'invisible, moi souvent j'allais chez les évangélistes, je voyais des pasteurs qui venaient de partout, de tous les pays, de tous les pays, qui chantent des chants de Jésus, Jésus, Jésus, à tout va, dans tous les sens, avec des danseurs terribles, meilleurs que l'Opéra Garnier, et des blagues d'ailleurs, il y avait Pedro et sa femme, qui étaient les pasteurs. Les premiers que j'ai vus, c'était ça. J'avais mon batteur, à l'époque, j'avais 18 ans, et c'était des pasteurs évangéliques gitans, c'est encore autre chose. Oui. C'est aussi évangélique, c'est des gitans. Hein. Et là, j'y suis allé, et là, on voit vraiment le visible de l'invisible. Ils vous mettent dans une dimension, quand vous priez, vous chantez, ils vous mettent tellement dans une dimension où vous êtes complètement perché, il y a une telle force, une telle puissance, vous êtes perché en l'air. Même le pasteur qui est là, il s'allonge par terre. Et bon, y a des chants, on chante Jésus, Jésus, Jésus. Et vous voyez, du visible à l'invisible. C'est vrai, le visible à l'invisible existe. Mais ça, c'est comme il commence à parler en langue. Il parle en langue, oui. Oui, non, ils ne sont pas en transe. quand ils parlent en langue, c'est une certaine langue. Il y a la bonne langue, c'est du diable. Il y a la bonne langue, c'est celle de Jésus. Ils parlent en langue, c'est vrai. Ouais. Mais l'invisible, l'invisible existe. Existe. Si je veux prendre un exemple tout bête, mais si on se pose la question dessus, c'est... Allez, si on prend une connexion, tu parles avec une personne... je parle avec une personne qui se trouve de l'autre côté de la Terre. Bah, je suis connecté avec cette personne, mais on ne voit pas les câbles, on ne voit pas tout ça. Ça reste invisible pour nous. Mais voilà, mais si tu prends ton téléphone, on ne les voit pas ces câbles. Mais cette connexion, là, cette énergie, elle est là, mais elle n'est pas visible pour nous. Mais elle existe. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais... L'invisible existe. Le visible existe, l'invisible existe. Bien sûr. Toutes ces dimensions, elles existent. Hein. Bah oui, le visible... Sixième dimension. Voilà. Sauf qu'on est dans des sociétés où on nous conditionne dès l'enfance. On est conditionné. On est conditionné, oui, mais... on nous conditionne dès l'enfance. Mais on a peut-être tout construit faux, et parce qu'au départ, les êtres humains, c'était pas comme ça. On nous a mis dans le faux. Oui, nous, quand on est né, mais ceux qu'on construit tout on ça au petit à petit, au fur et à mesure et tout ça, sont peut-être carrément partis sur les mauvais trucs. Même les médecins, c'est pour ça que la médecine, moi je la remets en cause quand même, même les médicaments. Parce que la médecine, elle a 100 ans. Qu'est-ce qu'ils me dit qu'ils ne sont pas partis sur les mauvais trucs, tiens. La médecine, c'était des plantes avant. La médecine, elle a 100 ans d'existence. C'était des plantes. Si on prend la science quantique... Quantique, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Et aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent tout ça, tu vois. Il faut savoir que la médecine d'aujourd'hui, elle existe depuis 100 ans. Hein. Ouais. Et avant ça, c'était quoi ? C'est la médecine quantique. Il y a eu beaucoup d'argent impliqué en plus. Donc. Ah bah aujourd'hui, bah c'est l'argent prime sur l'humain aujourd'hui. Et là, c'est encore un autre débat, hein. C'est malheureux. Bah hein. Oui, bah oui. C'est malheureux, mais... Ça a peut-être amené à faire des choix qui n'étaient peut-être pas les choix les plus vrais, les plus justes. Bah là, c'est vrai qu'on est dans un système d'argent qui est en train de s'effondrer, d'ailleurs. Et c'est très bien. Tant mieux. Et on arrive dans un autre monde où ça sera totalement différent. On va découvrir. Hein. Où ça sera totalement différent. Ouais. C'est-à-dire que le monde qu'on a connu et celui dans lequel on arrive est complètement différent. Ouais. Complètement différent. Moi, je trouve qu'on s'est mis un peu tous dans des prisons avec ce truc. Hein. Ce qui s'est construit, c'est... Mais non, mais l'être humain, à la base, il n'est pas fait pour... Regarde comment qu'on vit dans des appartements fermés, chacun de son côté, tout seul. Voilà. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Même pour gagner de l'argent, bonjour les gamins. C'est comme les gamins, on rentre à l'école, le gamin, il est 8 heures sur une chaise, il n'a pas le droit de bouger directement. C'est l'obéissance des 3 ans. Le boulot, c'est pareil. Hein. C'est un conditionnement. Ça, non, il essaie de mettre les gens dans des cases. C'est calculé, c'est pas fait, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Tout ce qui se passe, c'est pas anodin, faut pas croire. C'est un bien de qui veulent pas que les autres ils aient le temps de réfléchir, qui prennent le temps de pouvoir réfléchir tout à fait, et tout ça. Plus vous êtes bête et plus vous intéressez les gouvernements. Regarde, le gouvernement, t'as quoi comme mot, un jeu de mots ? Regarde, le gouverne, regarde, gouvernement, gouverne, qui ment ? Et ils te disent tout, hein ? Gouverne, qui ment ? Le gouvernement, regarde le parlementaire, ils parlent et ils mentent, ils te disent tout. Et quand ils disent les cons citoyens, ils sont cons. Ils nous prennent pour des cons. Le concitoyen. On n'est pas plus cons que on est. Attends, moi, des fois, à l'Assemblée, je les entends et ils disent nos concitoyens, ils ont le culot de nous insulter de cons. Ils ont de la chance, eux, avec. Mais c'est tout à refaire, là, ce système qui s'effondre. Et toi, est-ce que tu es perturbé par des rêves ? Est-ce qu'ils habitent tes journées des fois ? Justement, je voulais vous rejoindre là-dessus. Et j'ai à peu près les mêmes rêves, sauf que mes rêves, à chaque fois, je suis en train de partir voyager dans le monde entier. Ouais. Astral. Comme un oiseau. Voyage astral. Je suis les traces de Canada, Russie. C'est ton âme qui voyage. Je voyage beaucoup dans ces pays-là ces derniers temps. Ouais. Et je vais partout. C'est beau, le Canada. Et quand je me réveille, vraiment, je me sens... Légère. Je me sens légère, vraiment. Je me sens légère. J'ai vécu ça. Ça fait plus de 4 ans que je rêve là-dessus. Donc, j'ai pas encore demandé à quelqu'un. Si il est légère, c'est la neige. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 4 ans pour que le vol devienne plus aérien ? Est-ce qu'avant c'était difficile ? Est-ce que c'était oui. Parce que des fois, on rêve, on est carrément dans un enfermé. Ouais, ou en dessous le sol, oui, ou oui. Des choses comme oui, ça. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Et justement, c'est ça qui m'est arrivé ici. Ça m'a fait arriver dans ce centre. Ouais. Et j'ai vécu vraiment des choses horribles. J'avais l'impression qu'on me mettait par terre, enfin, on m'enterrait. Ouais. J'ai vécu comme ça. Moi aussi. J'ai vécu mon propre enterrement et ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur. Bon, en ce moment, comme je suis souvent ici en rendez-vous, ouais. Donc ça me permet de me libérer. Ça m'a permis de me libérer. Et le jour que j'ai vu Jean-François, et ça faisait 6 ans que je n'ai pas été voir un film. Plus de 6 ans que je n'ai pas été voir un film. Ah ouais. Et ces jours-là, on m'a proposé de venir voir un film avec la mairie. Donc j'y ai été. Justement, en sortant d'ici, j'ai été. Et ça m'a fait un bien. Et c'était où cette projection de film? Parce que c'était à la mairie de Bondy. Ah, d'accord. Il passe à Malraux aussi. Il passe à Malraux. Oui. Il passe dans les cinémas aussi. C'est ça. Et dans tous les esprits. Ouais. Et mes rêves sont souvent bouleversants comme ça. Mais en ce moment, je vécu vraiment. Je vois mes rêves comme ça, en m'envoler dans des villes que je n'ai jamais mis les pieds. Ah, c'est le voyage astral. C'est là que je voyage. Non, on appelle ça le voyage astral. Dans toutes ces dimensions. Ouais. Le voyage astral, c'est que vous endormez et vous partez, votre esprit part dans une autre dimension, vous voyagez. Parfois, vous voyagez, vous le voulez ou pas. Parfois, ça se provoque aussi. On peut provoquer. Parfois, dans le sommeil, on fait des voyages astrales. Et parfois, on revient mal dans notre corps. Voilà. C'est quand on revient mal dans notre corps qu'on est mal quand on se réveille. Il faut faire très attention à ça. Ouais. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Et souvent, dans mes rêves, je suis aussi avec un cheval blanc. Je suis bon sur signe. Le cheval blanc. Sérénité. Je m'en vais comme ça, en m'envolant. Pureté, sérénité, pureté. Comme un licorne. Non, c'est bien, c'est bien. Et le cheval vous suit, vous attend? Non, je suis assis sur le cheval. C'est le cheval qui vous transporte? Qui me transporte. C'est reposant, ça. Ouais. C'est vachement beau, ça. En ce moment, c'est ça. Alors, tous les deux venez parler, on parle des rêves grâce à vous. Ah ouais. Donne-nous un peu de temps. Là, on a encore que 10 minutes pour qu'on finisse la radio. On parlait. Oui, mais 10 minutes de médicaments, ça, c'est la radio, c'est les vrais médicaments. En tout cas, ça a amorcé une discussion. Je vous remercie pour cette séance de radio et de rêve et de tout. Et c'était le moment de Mélina et moi, je descends. Au revoir, Martin Bacro. Salut, merci, bon maman Mélissa. Va. Mais tu sais, tu nous as amené dans un monde incroyable. On continue à parler de ça. Ouais, parce que, et puis, comme on dit, les anges, quand ils apparaissent devant quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas peur, tu changes les choses. Tu as les clés de paradis pour nous tous. Hein. J'ai les clés de... Oui, voilà. Puis l'enfer, ça va, on les connaît. Hein. C'est bon, le monde est comme ça. Hein. Salut Farouk, merci. Vous revenez si vous voulez, on a encore 10 minutes. Bon, je vous propose, allez-y, continuez, on va finir ce sujet, après on va passer à autre chose. Mais... Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. C'est-à-dire, le jour où j'ai rencontré monsieur François, Jean-François, je savais que c'était pas par hasard. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière cette rencontre. Que ce n'était pas juste que je l'ai vu. Je savais qu'il y aurait eu quelque chose derrière. Moi, c'est bizarre parce que Jean-François, quand je l'ai vu, déjà, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu pas mal de fois. Oui, mais oui. Il m'a dit qu'on s'était peut-être vu à Bondy pas mal de fois, que je m'en rappelais. Ouais. Oui. Mais je m'en rappelais de façon un peu floue. Mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il va essayer de me titiller, de m'embêter, de me sortir de ma zone de confort. Il va essayer de me tirer, de me pousser, de me... J'avais envie de lui parler, mais en même temps, j'avais pas trop envie qu'il vienne trop dans ma sphère, parce que je me disais, il va essayer de me sortir de... Moi, j'étais en bas à l'époque, hein, j'étais hospitalisée, et j'étais quelque part bien dans mon petit coton. J'avais j'avais comme ça un coton autour de moi, un espèce de petit cercle de protection, et j'avais pas envie de sortir de ça. Et Jean-François fait partie des personnes qui qui m'ont poussée à sortir de ça, et c'est pour le plus grand bien. Mais au départ, j'avais une réticence, j'avais pas envie. Ici, le Club Radio a beaucoup fait ça avec moi aussi, qu'il fallait que je parle. La première fois que je suis venue ici, je voulais pas dire un mot. Au début, je voulais pas venir. Après, je voulais pas dire un mot. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont allés quelque part un petit peu me faire des chatouillis. Et tant mieux, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop envie, quoi. Écoute, ma chérie, tu vas suivre ce que je te dis. C'est comme ça la vie. Parce qu'on travaille ensemble maintenant. Ouais, alors François, c'est un peu comme les contes de Saint-Germain. Il est immortel, il apparaît dans certaines époques, certains moments de l'histoire. Peut-être, non ? Si on suit la théorie dès qu'il y a des multivers, il y a une partie de toi qui est dans une autre époque, toi, Magali, quand tu rêves des choses que tu n'as jamais visitées, comme la Guadeloupe, mais en même temps, tu connais. Alors moi, ça m'est arrivé aussi quand je suis visité le Collège de France pour la première fois. C'est un bâtiment qui est depuis 1400, 1500. Je suis arrivé il y a 5-6 ans et je connaissais parfaitement le lieu. Voilà. Je dis, mais bon, c'est exactement, c'était les toilettes, c'était là-bas, le lieu. Enfin, je dis, mais c'est pas possible. Donc, est-ce que je vais visiter ça à un autre moment de l'histoire? Ou qu'est-ce que j'ai passé? Oui, ton âme est partie visiter cet endroit-là avant que toi. Peut-être. Voilà. Moi, je crois aussi à la réincarnation et à différents espaces. Le karma aussi. Le karma existe. Là où il faut dire, c'est encore autre chose. Hein. Oui. Oui, oui, c'est de voyager dans les dimensions, quoi. Ton corps sort et va dans les dimensions. Mais moi, j'ai encore. Après, on s'en souvient. J'ai encore d'autres thématiques et d'autres explications qui amènent encore autrement l'interprétation. Et il y a un petit côté peut-être réincarnation, mais justement dans plusieurs sphères, ce qui correspond à des mondes parallèles, effectivement, soit en même temps, soit pas en même temps. Et tout ça, c'est hyper passionnant. Hyper passionnant. Très passionnant, oui. Ouais, ouais. On va mettre une chanson comme ça. Mais il faut me dire avant, parce que si tu me dis, je vais mettre une petite chanson un peu rien à voir. Mais avec cette chaleur qui fait, après tu me dis quelle chanson tu veux, mais parce qu'il faut que je la cherche d'abord. Mais pour l'instant, on va mettre Vamos a la playa. Et on était. Dadju de c'est mon soleil. Et du soleil, c'est mon soleil. Ça s'appelle Mon soleil, le titre. Et Dadju, c'est le chanteur avec. Une chanteuse. Oui, mais il n'y a pas de soleil quand t'es pas là. Attends, mais ça va pas, les radios? Pourquoi? Non, on a un bug, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va le résoudre. Hein. Parce qu'on n'a pas... Je vais même danser pour me faire plaisir. Vas-y, tu peux danser pour l'instant que ça commence la musique. Tu peux chanter un peu... Non, j'ai la même voix que d'habitude. Parce que, en fait, comme on n'a pas beaucoup de connexions Internet ici, ça prend... Vamos a la playa, oh, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh. más peces segundos. Su agua fluorescente. Ça reprend la connexion internet et après on a 4 minutes, on a 2 minutes encore pour la musique, mais bon, ça c'est déjà là. Bon, on va falloir qu'on laisse la chanson pour la prochaine, hein, Jean-François. Parce qu'on a plus de... On a plus d'internet, là. Est-ce qu'on peut se faire un petit au revoir, là? On a 3 minutes, parce que la chanson, elle est un peu bloquée. Ciao, bye bye. Est-ce que vous voulez dire quelque chose au monde avant qu'on les quitte? Avant qu'on quitte cette émission, qu'on se dise à mercredi prochain. Et vous nous appelez, vous m'appelez, ceux qui ont mon téléphone m'appellent sur mon téléphone ou au téléphone de ceux qui sont là pour que Jean-François Rossian vous lise l'astrologie astrale. Vous allez être surpris. Hein. Tout le monde qui l'a lu me dit, mais waouh, de où il a sorti ce pouvoir? Moi, il m'a dit que j'allais recevoir de l'argent. J'attends encore. Oh. Hey, tu travailles là, hein, tu vas en recevoir. Hein. Ça tourne, la roue tourne. C'est le chariot qu'on appelle ça. La preuve, j'ai dû mettre le pied à l'étrier, tu l'as fait. Ah non, ça ne le promet pas, vous continuez. C'est tout. Voilà, il est 17h57, il nous reste 3 minutes sur Radio Métanoïa. Votre prénom, j'ai oublié. Nadia, Fanta, Magali, Jean-François, et les autres qui sont déjà partis un peu, mais nous, là, il fait chaud, il fait 36. Moite. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis Vamos à la playa, on a parlé des rêves, on a parlé des multidimensions, des multivers, de l'imagination, de ne pas avoir peur quand on se rencontre avec l'inconnu et l'invisible. Hein, parce que comme vous disiez tout à l'heure, le visible, c'est une partie comme ça, de l'invisible. Voilà, donc quand on se rencontre avec l'invisible, il ne faut pas avoir peur. Voilà. C'est-à-dire, n'ayez pas peur et trouvez-vous votre double dans l'autre dimension. Et voilà, Magali, tu veux dire quelque chose? Moi, je suis super, super contente de revoir tout le monde, de revenir à l'atelier, parce que pendant quelques 2-3 semaines, là, comme je venais de reprendre mon travail, j'étais extrêmement occupée là-dessus. Je n'avais pas eu le temps de venir et je ne peux pas arriver avant 17h. C'est pour ça que je n'osais pas non plus trop venir. Et ça me fait un bien fou de vous revoir et de discuter avec vous. Et là, parler des rêves, c'est vraiment un sujet... Qui m'inspire et qui me botte, et je suis très contente, voilà, et très contente de t'avoir rencontré aussi. Fanta. Fanta, bon, moi. Grâce à Jean-François. Je suis venue par hasard, que j'ai été invitée par Jean-François, et je savais pas que la radio existait au centre psychiatrique de Bondy. J'ai été bien reçue. Vraiment, j'ai envie de revenir mercredi prochain. Bon, merci encore de m'avoir reçu. Vous attend, mercredi prochain, on est là. Hein. Peut-être le 17, on ne sera pas là, mais c'est dans 2 semaines. Je vous dirai ça la semaine prochaine, mais mercredi prochain. Et a priori, j'essaie que tous les mercredis, on soit là. Et après, à un moment donné, si je ne serai pas là, vous saurez régler tout ça, vous le verrez de moi-même, hein, sans moi. Hein. Pour l'instant. L'année prochaine, il y a plein de choses qui se présentent. Oui. Oui, mais en même temps, c'est vachement important que tu sois là parce que tu donnes le punch à tout ça et voilà. Oui, on essaye. On n'est personne indispensable. Non. Mais voilà. Mais l'année prochaine, on a un projet d'avoir plein de matos à la Colombière. Et on va voir qu'est-ce que tu voulais dire, Jean-François. Dadju, ma chanson. Dadju. Ah, ça ne change pas. Il est 18h. La semaine prochaine, on va faire ta chanson. Attends, je vais essayer là encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Ça charge encore, regarde. Dadju. Bon, chers auditeurs, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Pour la transformation de. Métanoïaque, la radio métanoïaque qui vous transforme la vie.